Qui veut la peau du jeu vidéo? Nous sommes en 2004. Début août, en plein été, les grandes messes de l'information du 20h rugissent une nouvelle fois contre le jeu vidéo. Sur fond de jaquettes doomesques et manhunt-esques, les voix des commentateurs se font vindicatives. Le jeu vidéo a encore tué, disent-ils. Les sourires Colgate s'effacent. Après un fameux « La France a peur », jicalien, ça rappellera des souvenirs aux plus vieux d'entre vous, les bonnes familles françaises flippent de nouveau. L'ennemi est dans la maison, dans le foyer, dans la chambre ou le salon, sous forme de console et de PC, caché dans un boîtier de CD. Comme toujours, l'info télé hurle sa bêtise, son besoin de scoop à tout prix, quitte à dire n'importe quoi, n'importe comment, et à sacrifier la vérité sur l'autel de l'audimat. Ça vocifère à qui mieux, mais sans connaissance réelle du médium. Le jeu vidéo n'est pas la seule et unique cible des médias, loin s'en faut. Avant l'arrivée de ces faits divers médiatico-vidéoludiques, d'autres arts, terme à prendre dans sa plus vaste acceptation, ont été touchés, spoilés pour cause d'imagerie violente, morbide ou tout simplement en raison de l'incompréhension qu'ils provoquent auprès d'un grand public pas toujours très finaux, incapable de relever le second, voire le énième degré. En tant que cible privilégiée, le cinéma a donc connu pas mal de déboires. Entre la censure, les diverses classifications, le 7e art croyait s'être protégé de tout débordement. Rien à faire, présenté en 1976 au Festival du film fantastique d'Avoriaz, Massacre à la tronçonneuse est, en pleine émission télévisée et en direct, démonté par un membre du jury qui ne voit là qu'un prétexte à la violence et à la bestialité. Le film, pourtant pris de la critique, est interdit en France pendant 6 ans. Seul le marché de la vidéo émergent et l'arrivée de la gauche au pouvoir mettra fin à cette stupidité conservatrice. Il en va de même pour Cannibal Holocaust, réalisé en 1980 par Ruggero Deodato, vendu comme un film snuff, c'est-à-dire avec de vrais meurtres d'êtres humains à l'intérieur. Alors qu'il ne s'agissait en vérité que d'une pochade contre le pouvoir décérébrant de la télévision, Deodato en a eu pour ses frais, convoqué par un tribunal. Il dut démontrer que la fameuse scène de la femme empalée n'était qu'un vulgaire trucage et non une vraie scène snuff. Plus récemment, des longs métrages tels que Tueur né d'Oliver Stone ou Scream ont déclenché polémiques et faits divers. Pauvre Oliver Stone, obligé d'expliquer que son film est une critique frontale de la fascination exercée par les tueurs en série, une mode relancée avec Le silence des agneaux et Seven. Quant à Scream, certains adolescents ont, de par le monde, cru bon de se la jouer tueur masqué façon le cri de Munch après avoir vu la comédie horrifique de Wes Craven. Étonnamment, les meurtriers du premier métrage se servaient de cette astuce, à savoir ce sont les films d'horreur qui nous ont transformés en tueurs, pour une jolie mise en abîme qui n'a évidemment pas été comprise. Ou à l'envers. Pour Wes Craven, comme pour de nombreux artistes, le cinéma n'est qu'un art. Même s'il provoque émotion et réflexion, il n'a au pire qu'un rôle déclencheur à des comportements déjà dangereux. Comportement qui se serait de toute manière exprimé par un autre biais à un autre moment. Évidemment, on pourrait entendre ce genre de constat à de nombreux domaines, à la musique satanique, avec Marilyn Manson et autres groupes de métal, ou aux jeux de rôle que Mireille Dumas et le sieur Abgral, psy de service spécialisé dans les sectes, ont bien du plaisir à décanier à force de mettre à bas les masques, enfin ceux des autres. Parce que les leurs, on ne vous parle même pas des poursuites lancées par des associations chrétiennes américaines à l'encontre de TSR, l'éditeur de Donjons et Dragons, pour incitation à la démonologie et tutti quanti. Février dernier, Warren Leblanc, 17 ans, accompagne Stéphane, 14 ans, dans un parc en Angleterre. Arrivé là, Warren le frappe de plusieurs coups de marteau, puis le poignarde. Les parents de la victime prétextent, eux, que le responsable de cette tragédie n'est autre que Manhunt, le jeu édité par Rockstar dont la victime était, semble-t-il, friand. Déjà interdit en Nouvelle-Zélande et dans les rayonnages de Dixon's, une chaîne anglaise de magasins spécialisée dans les produits informatiques, Manhunt est, rappelons-le, interdit au moins de 18 ans en France et PG-17 aux States. Pour autant, malgré les diverses déclarations alarmantes de certains avocats, l'affaire a pris du plomb dans l'aile depuis qu'il a été prouvé que le jeu incriminé avait été retrouvé dans la chambre de la victime et non dans celle du tueur. Alors Manhunt est-il un bouc émissaire de choix? À croire que plutôt que de faire face à leurs responsabilités, certains préfèrent accuser un jeu ou un long métrage une cible tellement plus facile. Dans tous les cas, le jugement a été rendu le 3 septembre et le jeune Leblanc condamné à la perpétuité assorti d'une peine de sûreté de 13 ans. Le juge Michael Stokes a conclu ainsi « Vous et vous seul êtes responsables de cette attaque meurtrière. » Mais où étaient les parents, accusateurs de Warren et Stéphane, lorsqu'ils jouaient à ce jeu interdit aux mineurs? Et lorsqu'ils l'ont acheté? Ce n'est pas la première fois que des parents indignés font connaître leur avis sur les jeux vidéo. En 1999, Famille de France avait menacé de porter plainte contre les magasins et les hypermarchés s'ils poursuivaient la vente de titres tels que Sanitarium, Resident Evil 2 ou Wild 9, Carmageddon 2 ou le désormais fameux GTA. La qualité des titres à part, Famille de France espérait mettre un frein à l'avancée de la violence dans le jeu vidéo, endiguer ce réalisme de plus en plus prégnant et immersif. Peine perdue, ma bonne dame, parce qu'en touchant le grand public, le jeu vidéo ne s'adresse plus aux enfants ou aux adolescents, mais aussi aux adultes. Connu grâce à la série des GTA, le studio Rockstar n'a évidemment pas échappé à la folie tribunalesque. Sûr qu'un titre où l'on vole des caisses, frappe des prostituées ou dessoute du flic pour le plaisir ne pouvait qu'attirer les mauvais esprits, ceux qui trouvent toujours à redire ou à critiquer. Même notre chère police nationale a levé la voix, dans le vide le plus total d'ailleurs. Les développeurs continuent de vouloir se rapprocher des métrages qui les ont inspirés. Après les films et séries des années 80 dans Vice City, ils nous proposeront bientôt GTA San Andreas, directement inspiré des années 90, l'évolution des gangs et des métrages comme Boys in the Hood ou Menace to Society. Salement réaliste pour l'occasion, puisqu'on pourra cambrioler du bourgeois et partir en expédition punitive à bord d'une caisse volée. Sûr que des plaintes ou menaces vont encore tomber. D'ailleurs, la ville de North Miami en Floride a d'ores et déjà déposé une proposition de loi pour interdire la vente de jeux à problème aux mineurs. Pour le moment, les jeux vidéo considérés comme des vecteurs de communication, au même titre que les films, les romans ou la presse, sont protégés par le premier amendement. Non content de nous rendre aussi stupides que des autruches et aussi violents qu'une tripotée de gorilles en rut, ah les belles idées préconçues, prémâchées et recrachées, le jeu vidéo rend épileptique. Mais oui, vous avez bien lu, lancé au début des années 90, la rumeur étayée par quelques décès anormaux au Japon a vite fait le tour des rédactions. Pressé par l'avis de la populace, le gouvernement français de l'époque s'est, en 1996, fendu d'un décret qui nous vaut aujourd'hui une attention. Chez certaines personnes, l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particulières qui sont détaillées dans la notice jointe. Ça, c'est inscrit sur chaque jaquette ou boîtier. Reste que ces cas d'épilepsie ont depuis été identifiés et parfaitement compris. Jouer ne provoque pas cette maladie, mais ne fait que mettre à jour l'une de ces variantes nommées épilepsie photosensible qui se déclenche lorsque l'individu est confronté à une forte stimulation lumineuse, comme les stroboscopes, télévision, écran de PC, etc. Seule façon de s'en prévenir, un écran 100 Hz, se placer à la bonne distance de l'écran, faire des pauses. Bref, aucun risque de la choper en jouant à moins d'être déjà épileptique et de l'ignorer. Encore une fois, la presse, trop pressée de faire circuler une information non vérifiée, crie au loup pour racoler au maximum 100 balles et porte un avis critique sur les informations sans réfléchir à la manière de les véhiculer, l'alarmisme à tous les crins. À l'heure où les plus grandes chaînes télé n'hésitent pas non plus à montrer de jeunes éphèbes et des donzelles très avenantes s'ébattant en pleine lucarne à une heure de grande écoute, où les morts et blessés irakiens sont filmés sans l'ombre d'un scrupule ou d'un doute, oser faire la morale aux joueurs a de quoi laisser dubitatif. Et puis, les sursauts moraux de quelques journaleux concernant les jeux vidéo n'intéressent plus grand monde. Fini l'époque où seuls quelques ados en mal de repère s'enfermaient dans une accoutumance maladive, le jeu vidéo est aujourd'hui un médium de masse touchant toutes les classes sociales et toutes les générations. Quand, enfin, les 10 journalistes démontrent une inculture crasse du sujet qu'ils traitent, mieux vaut se résoudre à l'utile, à l'intelligent, éteindre son poste ou brancher sa console. Ce papier, signé Raphaël Lucas dans le Playmag d'octobre 2004, a fatalement une forte résonance avec les événements qui se déroulent ces jours-ci. C'est pour ça que cette émission inédite du samedi est un peu plus spéciale que les précédentes, car j'ai vraiment voulu mettre le focus sur ce papier que j'ai retrouvé dans mes archives en cherchant le sujet de ce samedi. J'ai relu cet article de Raphaël Lucas, un rédacteur jeux vidéo qui sévit toujours aujourd'hui dans de bien belles parutions et qui écrit même pas mal de bouquins, on en a déjà parlé pas mal de fois dans cette émission. Et donc l'actualité de ces derniers jours, à savoir les propos complètement débiles de Donald Trump, et d'ailleurs au moment où j'enregistre cette émission, il a convoqué certains acteurs du jeu vidéo, entre guillemets certains, vu que les représentants des plus grands éditeurs n'ont pas été conviés, ça on en parlera très certainement lundi dans l'émission, doublé d'un futur possible ajout dans la liste des maladies de l'OMS, ça nous en avions parlé aussi cette semaine dans l'émission, donc de l'addiction aux jeux vidéo. Ceci plus cela font qu'en ce moment, des articles reviennent en masse pour faire du clic, pour faire du buzz sur le jeu vidéo et on lit tout et n'importe quoi. Ce qui est très marrant, entre guillemets, c'est quand on relit ce dossier datant de 2004, nous n'étions pas dans la folie des réseaux sociaux et on s'aperçoit que finalement, presque 14 ans après, c'est peut-être même pire, finalement, puisque n'importe quelle crétinerie inscrite sur Internet prend des proportions absolument incroyables. Comme je le dis à chaque fois, je sais, je le radote et j'en suis désolé par avance, le tout n'est pas de faire dans l'angélisme total. Bien sûr qu'il y a des problèmes, mais il faut savoir quand même raison garder, il faut quand même avoir le sens de la nuance, écouter tous les spécialistes et pas ceux qui abondent seulement dans votre sens, et traiter vraiment la cause, c'est-à-dire le mal-être des personnes qui sont victimes d'addiction, d'excès de violence, etc. Le jeu vidéo n'a jamais provoqué de la violence. Jamais. D'ailleurs, je pense que vous qui m'écoutez, on serait tous des serial killers en puissance. Mais bon, visiblement, il va falloir refaire encore beaucoup de pédagogie, réexpliquer, et je sais pas ce que nous concocte Donald Trump, mais dès qu'il sort une connerie, c'est repris par tous les médias du monde entier qui se jettent là-dessus, mais comme des pigeons qui viennent picorer du pain dans un parc, c'est assez navrant. Donc, cette émission est un petit peu inédite pour les derniers arrivés. D'ailleurs, je salue chaleureusement les derniers tipeurs, Nicolas, Valentin, Laure et toute la fine équipe. Merci, merci grandement à vous. Merci pour vos messages qui m'ont fait chaud au cœur. Si c'est votre première émission du samedi, normalement, il y a aussi des news inédites en préambule. Mais là, je voulais vraiment mettre le focus sur ce problème puisque j'ai coutume de dire qu'habituellement, il ne faut pas à chaque fois monter sur ses grands chevaux quand le jeu vidéo se fait attaquer, puisque on rentre dans le jeu des sans-cervelle. Et puis finalement, bon, vaut mieux laisser l'orage passer plutôt que de s'égosiller sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Sauf que là, effectivement, ça, en ce moment, je tombe moi-même en faisant ma revue de presse sur des choses complètement mais dingues dans des grands médias de masse, des contre-vérités absolument effarante. Et là, cette histoire avec Donald Trump, c'est vraiment la goutte d'eau. Donc, qu'il est vraiment triste et navrant de ne pas s'attaquer aux vrais problèmes, et Dieu sait qu'il y en a, et d'attaquer les jeux vidéo. Mais bon, j'aimerais avoir également votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que ceux qui défendent le jeu vidéo en font trop aussi de leur côté? Car comme je vous l'ai dit, le but n'est pas non plus de masquer tous les problèmes, effectivement, puisqu'il y en a, bien sûr. Mais je pense que le jeu vidéo n'est pas la cause, mais un révélateur d'un problème déjà présent chez l'individu qui est victime de tout ça. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que aussi tous ces jeux qui font preuve d'une extrême violence ou d'une violence relative ne vous plaît pas? Moi, je sais que ça dépend à certains titres et je m'aperçois que les trois quarts des jeux auxquels je joue quand même n'ont pas une violence très, très poussée, finalement. Ou quand c'est le cas, c'est très souvent dans un univers vraiment hyper fictif, qui ne vise pas du tout le réalisme, justement. Est-ce que des parents parmi vous font vraiment attention à ne pas mettre certains types de contenus, même si c'est pas non plus hyper gore, mais à des jeux qui véhiculent, et ça aussi on pourra en parler, une idéologie aussi un petit peu politique, un petit peu crasseuse, venant de certains jeux américains. Tout ceci est très complexe, évidemment, il ne s'agit pas de caricaturer, bien sûr, mais là, il est clair qu'on s'achemine vers une petite période médiatique qui va pas être très réjouissante, en tout cas pour le jeu vidéo, même si, de toute façon, je pense que les trois quarts des gens ne sont pas dupes, mais il existe encore des gens qui y croient. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, je vais terminer avec ceci, je vais arrêter de vous embêter. J'ai une petite anecdote à ce propos, je me souviens qu'il y a, ça doit remonter à peut-être à une dizaine d'années, à 9 ans, 9-10 ans, dans une agence de voyage avec mon épouse, on avait été chercher, donc on avait monté un petit dossier pour pouvoir se payer quelques jours en Grèce, je me souviens. Et celle qui nous avait reçus donc, dans l'agence avait vraiment notre âge. Elle avait l'air moderne, assez a priori ouverte d'esprit. Et à l'époque, donc, j'étais rédacteur, je vivais de mes piges dans la presse JV. Et lorsqu'elle m'a demandé, donc en montant le dossier, ma profession, donc je lui ai expliqué, et je vous jure, et c'était pas pour faire une blague, elle a dit, ah oui, les jeux vidéo, les pampans boum boum, là, quand il faut tuer des gens. Et donc je lui ai expliqué que c'était pas que ça, les jeux vidéo, heureusement, mais ça m'avait profondément marqué, et d'ailleurs je m'en souviens comme si c'était hier, qu'une femme de cet âge-là, qui devait avoir une petite trentaine, s'imaginer que les jeux vidéo, c'était vraiment c'était juste Call of Duty et rien d'autre, quoi. Tout ceci pour dire qu'il y a effectivement encore du chemin à faire Je ne sais plus qui c'est, le jeu vidéo a déjà gagné, mais il ne le sait pas encore. Je ne sais plus qui sortait cette formule, mais elle est vraie, quelque part, elle est vraie. Et bon, il va falloir encore un peu de temps pour que certaines choses soient acceptées de tous, et puis je pense qu'il faut attendre qu'un nouveau média fasse son apparition et cristallise un peu toute la haine et toutes les envies de sensationnalisme que tous ces médias en perte de vitesse cherchent en permanence. Sur ce, je vous souhaite malgré tout un beau week-end. Vive le jeu vidéo, vous le savez, n'est-ce pas? Et sur ce, je vous laisse parce que je dois aller massacrer quelques tortues à coups de carapace. Et oui, ça rend violent, on vous dit. Portez-vous bien, et donc je vous dis à lundi, et encore merci pour votre immense soutien. Bye bye.